Chapitre 7. Le portrait. L'événement capital de cette histoire et son héros nous ont à ce point occupés que nous n'avons point trouvé le temps de présenter comme il faut M. Adolphe, le Camus. Le peu que nous en savons n'est point pour le rendre sympathique. La place qu'il occupe dans le ménage Longuet, ce qui est éminemment immoral, le cynisme avec lequel il trompe une âme simple, le peu de danger qu'il semble courir en accomplissant un larcin qui est honteusement puni par le code Napoléon, voilà bien des raisons pour que nous nous éloignions de lui en marquant quelque mépris. Ce serait, disons-le tout de suite, le juger hâtivement. Il sied, avant de le condamner, de plaider les circonstances atténuantes. La principale, et qui vaut bien qu'on s'y arrête, est qu'il aime Théophraste par-dessus tout. Il l'aime dans ses défauts, dans ses faiblesses, dans sa naïveté, dans la confiance qu'il a en lui, et surtout dans l'admiration qu'il a de lui, Adolphe. Il n'est point de sacrifice qu'il ne soit prêt à consentir pour Théophraste. Et je dis que si Théophraste avait des ennuis d'argent, qui sont les seuls véritables ennuis qui comptent ici-bas, Adolphe le Camus ouvrirait sa bourse et lui dirait « Prends !» Adolphe aime Théophraste par-dessus tout, c'est-à-dire qu'il l'aime par-dessus Marceline. Je ne prétends point faire ici de la psychologie, mais je me trouve en face d'un cas qui est beaucoup moins ordinaire qu'on ne saurait porter à le croire. Adolphe aime bien Marceline, puisqu'il en a fait sa maîtresse, et cependant, il aime Théophraste plus que sa maîtresse, qui est la femme de Théophraste. Je m'explique. S'il avait su par un avertissement surnaturel de l'avenir que Théophraste aurait un jour le chagrin d'apprendre qu'il était cocu, Adolphe aurait respecté Marceline. Mais Adolphe s'était dit « Théophraste ne saura jamais rien, malheur caché n'existe pas ». Et voilà dans quel sentiment il était devenu l'amant de la femme de son meilleur ami. Ces lignes étaient nécessaires pour que le lecteur comprît bien que la fourberie de l'amant, si tant est qu'il y eût fourberie en la circonstance, ne pourrait contredire en rien le dévouement de l'ami. Adolphe était dévoué à Théophraste. Aussi, après le départ du commissaire, se prit-il à considérer avec un réel désespoir, sur la table de la salle à manger, les 3 montres, les 6 mouchoirs, les 4 portefeuilles et les 18 porte-monnaies. Il est beaucoup plus facile de s'emparer de 18 porte-monnaies dans la poche d'un pantalon que de voler 4 portefeuilles dans la poche intérieure d'une redingote qui peut être boutonnée. Marceline, Adolphe et Théophraste se taisaient devant l'étalage inattendu de ces objets disparates. Théophraste était d'une tristesse effrayante à voir. Il rompit le premier le silence. Il dit « Je n'ai plus rien dans mes poches. »« Oh, mon ami !» fit Marceline dans un soupir de reproche. « Mon pauvre ami !» accentua Adolphe, qui craignait de laisser pénétrer sa pensée. « Je crois bien, » murmura Théophraste, qui épongeait la sueur froide de son front avec un mouchoir dont il ignorait la provenance, « je crois bien que j'ai eu ma plume noire. » Marceline et Adolphe, atterrés, se taisaient encore. Théophraste les regarda, essuya les verres de ses lunettes. Il sourit et dit « Après tout, dans ce temps-là, c'était peut-être un jeu de société. » Et il se fourra l'index de la main droite dans la bouche, geste familier qui indiquait chez Théophraste une préoccupation excessive. Ni Marceline, ni Adolphe, ni Théophraste n'osaient toucher un seul de ces objets inconnus qui surchargeaient la table. « Mon ami, reprit Marceline, retire ton doigt de ta bouche et dis-nous comment tu as fait pour avoir sur toi 3 montres, 6 mouchoirs, 4 portefeuilles et 18 porte-monnaies, sans compter le mouchoir et le portefeuille de monsieur le commissaire Mifroid. J'ai retourné ce matin toutes tes poches en nettoyant tes effets, et je n'y ai trouvé, comme à l'ordinaire, que quelques grains de tabac. » « Il y avait, place de la Concorde, fit Théophraste, une agglomération. Je suis entré dedans, et j'en suis sorti avec tout cela, c'est bien simple. » « Qu'est-ce que nous allons en faire ? » demanda Adolphe d'une voix grave. « Et qu'est-ce que tu veux que j'en fasse ? » répliqua Théophraste, qui se remettait peu à peu. « Tu ne penses pas que je vais les garder ? Est-ce que j'ai l'habitude de garder ce qui ne m'appartient pas ? Je suis un honnête homme, et je n'ai jamais fait de tort à personne. Tu vas prendre tout cela et le porter chez ton ami, le commissaire de police Mifroid. Il lui sera facile de retrouver les propriétaires. Et qu'est-ce que je lui dirai ? Ce que tu voudras ? » éclata Théophraste, qui commençait à s'impatienter. « Est-ce que l'honnête cocher qui trouve une serviette et 50 000 francs dans sa voiture et qui les porte au commissaire se préoccupe de ce qu'il dira ? Il dit « J'ai trouvé ceci dans ma voiture et cela suffit. On lui donne même une récompense. Toi, tu diras, mon ami Longuet me charge de vous rapporter ces objets qu'il a trouvés dans ses poches, et il ne demande pas de récompense. » Depuis un instant, Marceline avait placé sous la table son pied sur le pied d'Adolphe. Du reste, c'était là, le plus souvent, quand il y avait table entre eux, que l'on pouvait trouver le pied de Marceline. Il ne faut point l'en blâmer. Songez que sa tendresse pour son mari pouvait librement s'exprimer. Il lui était loisible, devant tout le monde, de l'embrasser, de le caresser, de l'appeler Montéo, et de l'entourer de ces mille petites attentions qui, venant d'une femme, surtout de la sienne, flattent infiniment le cœur et la vanité si naturelle d'un époux. Mais si quelque démonstration de sympathie un peu osée lui eût échappé en public à l'adresse d'Adolphe le Camus, on n'eût point manqué de dire que Théophraste était trompé par son meilleur ami. Elle, Marceline, eût été compromise, Théophraste eût été ridicule, et Adolphe le Camus eût passé pour un vilain monsieur. Comme Marceline était une femme intelligente, elle avait résolu d'éviter cette inutile et triple catastrophe en réservant toutes ses caresses visibles à son mari et en gardant les cachets pour son amant. Il se rencontre beaucoup de femmes mariées qui n'ont point cette discrétion, et elles s'en trouvent, les premières, châtiées par les désagréments que tant de bénévoles audaces leur attirent. La caresse du pied était celle que Marceline prodiguait le plus souvent à M. le Camus. C'était aussi, il faut l'avouer, parmi toutes les autres, la caresse la plus inoffensive. Mais elle s'y complaisait. Puisqu'il leur était interdit, à Adolphe et à elle, de s'attarder en de longues songeries, la main dans la main, comme on le voit faire aux amants dans les tableaux des peintres mélancoliques, ils s'oubliaient ainsi, le pied sur le pied. Et même, par un juste équilibre de toutes les facultés, pendant des heures quelquefois, quand il y avait une table entre trois, Marceline et Théophraste restaient la main dans la main au-dessus de cette table, cependant que Marceline et Adolphe, au-dessous, restaient le pied sur le pied. Et Marceline, qui avait, comme on dit, de la santé, était aussi heureuse au-dessus de la table qu'au-dessous. Le jeu du pied ce soir-là n'était point simplement une caresse. Il signifiait « Adolphe, Adolphe, où allons-nous ? Il me semble que Théophraste déménage. Viens à mon secours de Théophraste. » Adolphe avait compris. Il fronçait les sourcils et se grattait le bout du nez. Il jugeait la minute importante. Il regarda encore Théophraste, il regarda les porte-monnaies, il toussa, il dit « Théophraste, ce qui vient de se passer n'est pas naturel. Il faut tâcher de nous expliquer. Il faut nous efforcer de comprendre. Il ne faut point fermer les yeux, mon ami, il faut les ouvrir tout grand à ton malheur, si malheur il y a, afin de le combattre. » « De quel malheur parles-tu ? » demanda Théophraste, redevenu timide, et prenant dans sa détresse la main de Marceline. « C'est toujours un malheur d'avoir dans ses poches des choses qui ne vous appartiennent pas. Il n'y a que cela dans les poches des prestidigitateurs, » s'écria Théophraste avec force. « Et les prestidigitateurs sont d'honnêtes gens. Et Théophraste Longuet est un honnête homme, par les tripes de madame de Falaris. » Ayant dit ces choses, il retomba, exténué, sur sa chaise, et entre trois, il y eut un grand silence. Quand Théophraste sortit de sa torpeur, ses yeux étaient pleins de larmes. Il fit signe à son ami et à sa femme d'approcher tout près de lui, et quand ils furent à ses côtés, il marqua une émotion pitoyable. « Je sens qu'Adolphe a raison. Un grand malheur me menace. Je ne sais lequel, mon Dieu, je ne sais lequel. » Et il pleura. Adolphe et Marceline tentèrent de le consoler, mais il pleura encore, et ils eurent aussi la douceur de pleurer. Ils s'étreignirent tous les trois. Théophraste les tenait embrassés. « Jurez-moi, disait ce brave et honnête homme, jurez-moi de ne m'abandonner jamais, quoi qu'il arrive. » Ils le jurèrent de bonne foi. Alors Adolphe exigea qu'il lui apportât le document. Il alla le lui chercher. Ils se rassirent après s'être mouchés bruyamment. Adolphe avait étalé le document devant lui. Il y eut un pesant silence. Adolphe hochait la tête, et puis, délibérément, il la releva. « Théophraste, ordonna-t-il, il faut tout me dire. Rêvez-vous quelquefois ?»« Si je rêve, répéta notre ami, si je rêve, c'est bien possible, mais comme toutes mes digestions sont excellentes, je me rappelle guère avoir rêvé. »« Jamais, insista Adolphe. Oh, jamais, c'est trop dire. Ainsi, il me souvient d'avoir rêvé 4 ou 5 fois dans ma vie, en effet. » Il m'en souvient peut-être parce que je me réveillais chaque fois au milieu de mon rêve, et que c'était toujours le même rêve. Mais de quel intérêt cela peut-il être dans le cas qui nous occupe, mon cher ami ? » Adolphe continua. « Les rêves n'ont jamais été expliqués par la science. Celle-ci croit avoir tout dit en les attribuant à un effet de l'imagination, mais elle ne nous donne pas la raison de ces visions si claires et si nettes qui nous apparaissent quelquefois. Ainsi explique-t-elle une chose qui n'est pas connue par une autre, qui ne l'est pas davantage. La question reste donc tout entière. C'est, dit-on, les souvenirs des préoccupations de la veille que nous rêvons. Mais en admettant même cette solution, qui n'en est pas une, il resterait encore à savoir quel est ce miroir magique qui conserve ainsi l'empreinte des choses. En outre, comment expliquer les visions des choses réelles que l'on n'a jamais vues à l'état de veille et auxquelles même on n'a jamais pensé ? Qui pourrait affirmer que ce ne sont point là des visions rétrospectives des événements passés avant la vie ? « En vérité, mon cher Adolphe, répliqua Théophraste avec une grande douceur, je dois vous avouer que les choses que j'ai rêvées, et je les ai rêvées trois fois, je l'affirme maintenant, sont peut-être réelles, dans le passé ou dans l'avenir, mais que je ne les ai jamais vues, à l'état de veille, dans le présent. À propos de ces choses que l'on rêve, qui sont réelles et qu'on n'a jamais vues, l'auteur de ces lignes, c'est-à-dire celui qui, modestement, compulse les papiers de Théophraste, peut citer un exemple personnel. Depuis sa plus tendre enfance, il lui arrivait au moins une fois chaque mois de rêver qu'il traversait une forêt de Pologne. Il savait dans son rêve que c'était une forêt de Pologne. Il y avait dans cette forêt, sur la droite d'une allée boueuse et défoncée par les pluies, trois chênes décapités. Et puis une petite cabane avec un tuyau de poêle sur le toit qui fumait et un chien jaune à la porte qui ouvrait la gueule, comme s'il aboyait, mais qui n'aboyait pas parce qu'il était muet. Il rêvait cette chose qu'il n'avait jamais vue, et cependant, elle était réelle, puisqu'un jour, il y a 5 ans, traversant la Pologne, à quelques lieues de la frontière de Russie, il reconnut la forêt, l'allée humide et triste, les trois chênes découronnées par un récent orage, la cabane au tuyau de poêle et le chien jaune qui aboyait en silence. C'est en vain qu'il voulut à coup de canne le faire parler. Oui, qui donc expliquera jamais ces choses ? « Vous me comprenez, » congratula Adolphe. « Racontez-moi donc ces choses que vous avez rêvées et que vous n'avez jamais vues. »« Oh, ce ne sera pas long, mais c'est tant mieux, parce que ce n'est pas gai. » Je rêvais que j'étais mariée à une femme que j'appelais Marie-Antoinette et qui me trompait. « Et alors, interrogea Adolphe qui ne quittait plus des yeux le document. « Et alors, je la découpais en morceaux. »« Oh, l'horreur !» s'écria Marceline. « C'est horrible, en effet. » continua Théophraste en hochant la tête. « Et alors, je mettais les morceaux dans une hotte et j'allais la décharger dans la Seine, au petit pont de l'Hôtel-Dieu. Ensuite, je me réveillais, et je dois vous dire que je n'en étais pas fâché. » Adolphe donna un grand coup de poing sur la table. « C'est épouvantable » s'écria-t-il d'une voix rauque en regardant Théophraste. « N'est-ce pas ? » fit Marceline toute frissonnante. « Je viens de lire entièrement la première ligne du document, et voilà ce qui est épouvantable, » continua-t-il à gémir. « Hélas, je comprends maintenant !»« Et que comprends-tu ? » fit Théophraste effrayé, lui aussi, en suivant du doigt d'Adolphe les deux premières lignes du document. « Ceci veut dire, » affirma M. Le Camus, « moi, R.T., j'ai enfoui trésor. Vous entendez ? Moi, R.T. » Et vous ne savez pas qui c'est, RT ? Eh bien, je ne veux pas vous le dire avant d'en être tout à fait sûr. Et j'en serai sûr demain. Demain, Théophraste, soyez à 2 heures, à l'angle de la rue Guéguenot et de la rue Mazarine. J'emporte ces objets chez mon ami Mifroid, qui les restituera, ajouta-t-il, et à qui il sera prouvé qu'il y a encore des pickpockets, même avec le commissaire. Adieu, mon ami, adieu, et du courage, surtout du courage. Et Adolphe serra la main de Théophraste comme on serre la main d'un parent de mort. Théophraste ne dormit pas cette nuit-là. Pendant que Marceline reposait paisiblement à ses côtés, il avait, lui, les yeux grands ouverts dans les ténèbres. Sa respiration était irrégulière et pleine de soupirs profonds. Une lourde anxiété s'était assise sur son cœur. Le jour se leva sur la ville, un jour d'une tristesse blême et sale, qui enveloppa sinistrement les choses. En vain le soleil d'été voulut-il pénétrer cette atmosphère fuligineuse et opaque. Midi, qui voyait ordinairement son triomphe, montra un globe épais, roulant sans gloire dans une lumière sulfureuse. Telle était exactement la peinture du ciel ce jour-là. Si je m'y suis attardé en trois phrases, c'est qu'elle nous est nécessaire. Théophraste, dès la première heure, sauta du lit, et soudain réveilla Marceline par un accès d'hilarité insensé. Marceline lui demanda la cause d'une joie aussi étrange, et il répondit que la nature ne lui avait pas fait la bouche assez large pour contenir le rire qui s'emparait de lui à la pensée de la tête de monsieur le commissaire de police Mifroid, qui ne croyait pas au pickpocket devant le déballage de ces objets dont il avait gonflé les poches de son ami Adolphe pour qu'il les restituât. Il dit « Ma chère Marceline, c'est l'enfance de l'art de prendre un porte-monnaie dans une poche. Si vous n'y pouvez mettre la main, glissez-y une paille enduite de glu. Ce dernier système est excellent dans le travail et la presse. » Marceline se leva sur son séant et fixa avec effroi Théophraste qui n'avait jamais eu l'air plus naturel. Théophraste mettait son caleçon. « Il manque un bouton à la patte, » dit-il. « Théophraste, tu m'épouvantes, » avoua Marceline. « Il y a de quoi, » répondit son époux en se mettant à quatre pattes pour chercher ses bretelles qui s'étaient enfuies sous le lit. « Mais on ne fait de bon travail, » ajouta-t-il, « qu'avec une bonne femme, et il n'y a rien à faire avec toi. Tu ne seras jamais une bonne enquilleuse. »« Une quoi ? Une bonne enquilleuse ? La prochaine fois que tu iras à la Maison Dorée, tu m'achèteras une paire de bretelles. Celle-ci ne pourrait même plus servir à réjouir le bourgeois. Tu ne sais même pas ce que c'est qu'une enquilleuse. C'est honteux à ton âge. » Une enquilleuse est une personne de ton sexe qui sait avec habileté cacher les objets dérobés entre les jambes. Je n'ai jamais eu de meilleure enquilleuse que la vache à panier. « Mon pauvre enfant !» gémit Marceline. Théophraste fut pris d'une colère terrible. Il se précipita vers sa femme et la menaça du tire-bouton. « Tu sais bien que je ne veux plus qu'on m'appelle l'enfant depuis la mort de Jeanne ton Vénus !» Marceline jura qu'elle ne recommencerait plus, et elle se mit à regretter du plus profond de son âme l'heure funeste qui l'avait rendue propriétaire avec son époux, d'un document qui lui promettait des trésors, mais qui lui apportait tout de suite, dans son ménage, le trouble, la peur, l'intolérance, la folie et l'inexplicable. Après Marie-Antoinette, Jeanne ton Vénus surgissait. Elle ne connaissait ni l'une ni l'autre, et ne les devait point connaître. Mais son mari avait une façon familière de s'exprimer sur le compte de ces dames qui pouvait faire croire qu'il était très bien renseigné. Enfin, les phrases inattendues dans la bouche de Théophraste, tout en lui faisant redouter le Théophraste incompréhensible d'il y a 200 ans, lui faisaient surtout regretter le Théophraste si facile à comprendre de l'avant-veille. Elle se prenait à d'amères réflexions sur la théorie de la réincarnation. Théophraste avait fini de s'habiller. Il se plaignit encore qu'on n'eût point fait une reprise nécessaire à la boutonnière de son gilet à fleurs. Puis, il annonça qu'il ne déjeunerait pas à la maison, qu'il avait rendez-vous avec son ami Vadeboncoeur au coin de la rue Mazarine et de la rue Guénégaud pour faire un bon tour à un monsieur de Traneuse, officier ingénieur, qui le dégoûtait fort. Mais, comme ce rendez-vous était après déjeuner, il se promettait d'aller prendre l'air au moulin des Chopinettes. Marceline, sous sa chemise de nuit, tremblait à faire pitié. Elle regrettait l'absence d'Adolphe. Elle eut la force de dire, à tout hasard, « Il fait bien mauvais pour aller prendre l'air au moulin des Chopinettes. »« Bah !» répondit Théophraste fort logiquement. « Je laisserai ici mon ombrelle verte et je prendrai ma plume noire. » Là-dessus, il s'en fut en mettant la dernière main à sa cravate. Sur le palier, il rencontra M. Petitot, le professeur d'italien, qui descendait l'escalier lui aussi. M. Petitot salua très bas M. Longuet, se plaignit de l'état de la température et lui fit 1000 compliments de sa bonne mine. Théophraste répondit sur un ton peu aimable et, comme M. Petitot sur le trottoir semblait ne devoir point quitter Théophraste, celui-ci lui demanda si Mme Petitot ne se résoudrait pas bientôt à apprendre sur le piano un autre air que le carnaval de Venise. Mais M. Petitot répondit en souriant qu'elle étudiait justement une étoile d'amour et qu'elle étudierait à l'avenir tous les morceaux qui pourraient convenir à M. Théophraste Longuet. Et M. Petitot demanda « De quel côté allez-vous, M. Longuet ?»« J'allais faire un tour au moulin des Chopinettes, mais décidément le temps est trop gâté, et je descends au Porcheron. »« Au Porcheron ? Monsieur Petitot allait demander « Qu'est-ce que les porcherons ?» Mais il se ravisa. « Moi aussi » fit-il. « Ah ah !» répliqua Théophraste en jetant sur Monsieur Petitot un singulier coup d'œil. « Vous aussi, vous allez aux porcherons ?»« Ah, allez là ou ailleurs !» dit Monsieur Petitot en plaisantant. Et il suivit Théophraste. Il y eut un petit silence, au bout de quoi Monsieur Petitot osa formuler cette question. « Et où en sont vos trésors, Monsieur Théophraste Longuet ?» Théophraste fit brusquement demi-tour. « Eh mais » s'écria-t-il, « qu'est-ce que ça peut vous... Vous vous rappelez que vous m'avez apporté un jour, pour quelques remarques sur l'écriture, je me le rappelle, et vous, vous avez tort de vous en souvenir, » fit Théophraste d'un ton sec, en ouvrant son parapluie, car il commençait à pleuvoir. Monsieur Petitot, nullement découragé, se mit à l'abri sous le parapluie de Théophraste. « Oh, monsieur, je ne dis point cela pour vous désobliger. » Ils étaient arrivés au coin de l'avenue Trudaine et de la rue des Martyrs. Ils descendirent. Théophraste était de fort méchante humeur. « Monsieur, dit-il, j'ai rendez-vous au cabaret du Vauquitette, à côté de la chapelle des Porcherons, que voici. Mais c'est la chapelle Notre-Dame de Lorette et nullement celle des Porcherons. Je n'aime point qu'on se paie ma tête, affirma Théophraste. Monsieur Petitot protesta. « Je sais bien qu'elle vaut cher, ma tête !» continua Théophraste en regardant M. Petitot de façon de plus en plus étrange. « Savez-vous combien elle vaut, M. Petitot, la tête de l'enfant ?»« Non ? Eh bien, je vais vous le dire, puisque l'occasion s'en présente. Et du même coup, je vous conterai une petite histoire dont vous pourrez faire votre profit. Arrêtons-nous ici, c'est le cabaret du Vauquitette. » « Mais, monsieur, » interrompit M. Petitot, qui commençait à s'effrayer, « c'est la brasserie Bousset. » « Il y a du brouillard, » répliqua Théophraste, « et c'est votre excuse. Vous avez perdu votre chemin parmi tous ces champs de culture. Monsieur Petitot, vous avez voulu me nuire. Tant pis, monsieur Petitot, tant pis. Que prenez-vous ? Un verre de ratafia ? La patronne de séance est excellente, madame Taconnet. » Tous ces détails sont historiques. Madame Taconnet tenait, il y a 200 ans, à cet endroit, le cabaret du Vauquitette, non loin de la chapelle des Porcherons, qui fut démolie en 1800, et sur l'emplacement de laquelle on construisit en 1802 une autre chapelle, celle de Notre-Dame de Lorette, rue Coquenard. Tout cet espace situé au nord-ouest du boulevard des Italiens était anciennement rempli par des champs en culture, des marais, des jardins et des maisons de campagne, et par le village des Porcherons, par une ferme nommée Grange Batelière, par le château du Coq, une voirie, le cimetière de Saint-Eustache. L'ensemble était traversé par un chemin qui partait de la porte Gaillon, s'avançait en formant des sinuosités, coupait la rue Saint-Lazare et allait aboutir au village des Porcherons et à celui de Clichy. Le cabaret du Vauquitette avait une réputation terrible. Sa propriétaire, la veuve Taconnet, l'amie de l'enfant, donnait asile chez elle à tous les bandits de la capitale. Les caves du Vauquitette ouvraient sur des carrières célèbres, véritable repère où les compagnons de l'enfant n'avaient rien à craindre de la police du roi. La patronne de séance, madame Taconnet, m'a mis de côté une bouteille qui vous embaumera les boyaux. Et comme un garçon orné d'un tablier blanc s'approchait, Théophraste, sans sourciller, commanda « Deux bocs bien tirés, sans faux col. » Ainsi, sans préparation aucune, sans même s'en rendre compte, il reliait fort naturellement son existence d'autrefois à son existence d'aujourd'hui. Il reprit, cependant que M. Petitot regrettait intimement son insistance à accompagner jusqu'à la brasserie Bousset un homme qui prétendait être admis au cabaret du Vauquitette. « Ma tête vaut 20 000 livres, monsieur, et vous le savez bien. » Ce « et vous le savez bien » fut prononcé avec un tel ton, et accompagné d'un tel coup de poing sur la table de bois qui supportait les deux bocs, que M. Petitot recula instinctivement. « N'ayez pas peur, M. Petitot, la bière, ça détache. Vous savez donc que ma tête vaut 20 000 livres. Eh bien, mon petit monsieur, il faut faire comme si vous ne le saviez pas, ou il pourrait vous arriver du désagrément. Je vous ai promis un compte, le voici. » Historique. Du reste, tout ce que nous aurons l'occasion de raconter relativement à la vie de l'enfant est de la plus grande exactitude. Nous avons eu soin de nous éloigner toujours de la légende, qui est de beaucoup moins extraordinaire que la réalité. Nous avons contrôlé les papiers de Théophraste. Nous avons vérifié ses assertions, grâce à la parfaite complaisance de messieurs les bibliothécaires de la Nationale. de Carnavalet et de l'Arsenal. Nous avons vu les pièces du procès de l'enfant qui est le plus formidable procès criminel des temps modernes. Enfin, comment pourrions-nous douter des dires du principal intéressé, j'ai nommé Théophraste, qui mieux que lui connaîtra son histoire. Je me promenais, il y a quelque 200 ans de cela, rue de Vaugirard, les mains dans les poches, sans armes, sans même une épée, et le plus honnêtement du monde, quand un homme m'aborda au coin de cette rue de Vaugirard et de l'enfant Jésus. Il me salua jusqu'à terre et me dit que ma figure lui revenait beaucoup, comme vous fîtes, comme vous dites, monsieur Petitot, et qu'on l'appelait le bonhomme Bidel, et qu'il avait un secret à me confier. Je l'encourageai d'une petite tape amicale sur l'épaule. Ici, monsieur Théophraste Longuet décharge une telle petite tape sur l'épaule de monsieur Petitot que monsieur Petitot pousse un gémissement et sort sa monnaie dans le désir qu'il étreint d'aller voir dehors si le brouillard s'était dissipé. « Rentrez donc votre monnaie, monsieur Petitot. C'est moi qui régale. » Je disais donc que le bonhomme Bidel, encouragé par une petite tape amicale sur l'épaule, monsieur Petitot glisse sur la banquette, me confia son secret. Il me dit dans le tuyau de l'oreille que le régent avait promis 20 000 livres à qui ferait arrêter l'enfant et qu'il savait, lui, où se cachait l'enfant, que je lui étais apparu comme un homme de courage et qu'il se faisait fort, avec mon aide, de gagner les 20 000 livres. On partagerait. Le bonhomme Bidel était bien mal tombé, monsieur Petitot, car moi aussi je savais où se trouvait l'enfant, puisque l'enfant, c'était moi. Monsieur Petitot n'en veut rien croire. Il estime à part lui que depuis de longs mois, monsieur Longuet n'est plus un enfant, mais il n'ose le dire. Je répondis au bonhomme Bidel que c'était là une bonne aubaine, et que je remerciais le ciel de l'avoir mis sur mon chemin, et je le priais de me conduire à l'endroit où se trouvait l'enfant. Il me dit « Ce soir, l'enfant couche au Capucin, dans une petite auberge qui est à l'enseigne de la croix de la Sainte-Hostie. » C'était vrai, monsieur Petitot. Le bonhomme Bidel était bien renseigné. Je l'en félicitais. Nous passâmes alors devant une boutique de coutellerie, et j'achetai, sous le regard étonné de Bidel, un petit couteau d'un sou. Les yeux de Théophraste lancent des éclairs. Les paupières de monsieur Petitot battent de terreur. Le bonhomme Bidel me demande dans la rue ce que je comptais faire avec un petit couteau d'un sou. Je lui répondis « Avec un petit couteau d'un sou ?» Monsieur Longuet se rapproche de monsieur Petitot. Monsieur Petitot s'éloigne de monsieur Longuet. « On peut toujours tuer une mouche !» Et je le lui plongeais dans le cœur. Il s'affaissa en faisant des moulinets avec ses bras. Il était mort. Monsieur Petitot, qui avait d'abord glissé sur la banquette, glisse dessous. Et de dessous de banquette en dessous de banquette, gagne la porte et recouvre la liberté. Monsieur Théophraste Longuet vide son boc, se lève et va à la caisse de la brasserie Bousset, où Madame Berthet compte des jetons. Il lui dit « Madame Taconnet !» Madame Berthet se demande pourquoi Monsieur Théophraste l'appelle Madame Taconnet. Cette demande informulée reste sans réponse. « Si vous recevez ici le chevalier Petitot, vous lui direz de ma part que la première fois que je le retrouverai sur mon chemin, je lui couperai les oreilles. » Ce disant, Théophraste caresse la manche de son parapluie comme on caresse la manche d'un poignard. Il n'y a pas de doute, Théophraste a sa plume noire. Il est tout à fait l'autre, et il s'en va, sans payer. Le brouillard était encore épais. Il ne songea pas à déjeuner. Il marchait dans cette buée sulfureuse comme dans un rêve. Il traversa tout l'ancien quartier d'Antin et ce qui fut autrefois la ville l'évêque. Quand il aperçut l'ombre des tours de la Trinité, il dit « Ah ah, le château du coq !» Il était à la gare Saint-Lazare quand il croyait être à la petite Pologne. Mais, peu à peu, le brouillard s'étant dissipé, son rêve avec lui s'envola. Il eut une notion plus exacte des choses. Quand il traversa la Seine au pont royal, il était redevenu un honnête Théophraste, et quand il mit le pied sur la rive gauche, il n'avait plus qu'un vague souvenir de ce qui venait de se passer sur la rive droite. Mais il avait ce souvenir. En effet, quand il s'interrogeait bien, maintenant qu'il commençait à avoir l'expérience de ses différents états d'âme, premièrement, celui qui résultait de son existence actuelle d'honnête marchand de timbres en caoutchouc, deuxièmement, celui qui résultait de la résurrection soudaine et momentanée de l'autre. Troisièmement, celui qui résultait du souvenir. Ce souvenir était en lui comme un troisième Théophraste qui eût raconté au premier ce qu'il savait du second. Autant la résurrection en Théophraste était un événement terrible, nous l'avons vu et nous le verrons encore avec M. Petitot, autant le souvenir était une chose douce, mélancolique et propre à faire naître en un cœur endolori le sentiment d'une tristesse toujours aimable et d'une pitié philosophique. « Pourquoi ?» se disait-il maintenant en se dirigeant vers la rue Guénégon. « Pourquoi Adolphe m'a-t-il donné rendez-vous au coin de la rue Guénégon et de la rue Mazarine ?» Il s'y achemina. Il ne voulut point passer par le coin de la rue Mazarine, qui longe le palais de l'Institut, autrefois des Quatre Nations. Il ne savait pas pourquoi. Il fit le tour par l'hôtel de la Monnaie, et ainsi arriva-t-il rue Guénégon. Adolphe était là, qui le prit par le bras. « N'auriez-vous point entendu parler, mon cher Adolphe, lui dit-il, d'un nommé l'Enfant ?»« Oui, oui, dit Adolphe, j'en ai entendu parler. Je sais même son véritable nom, son nom de famille. »« Ah, et quel est-il ? » demanda anxieusement Théophraste. Adolphe, pour toute réponse, poussa Théophraste dans la petite allée d'une vieille maison de la rue Guénégon, à quelques pas de l'hôtel de la Monnaie. Ils montèrent un escalier branlant et entrèrent dans une chambre dont les rideaux étaient tirés. On avait fait la nuit dans cette chambre, mais sur une petite table, dans un coin, la flamme tremblante d'une bougie éclairait uniquement un portrait. C'était l'image d'un homme d'une trentaine d'années, à la figure énergique, au regard flamboyant. Il avait le front haut, le nez fort, le menton ras, la bouche grande, la moustache hirsute. Le cheveu nombreux était coiffé d'une toque de laine ou de feutre grossier, et l'habit paraissait d'un prisonnier. Sur le torse s'entr'ouvrait une chemise de grosse toile. « Tiens, » fit Théophraste sans ôter le ton, « comment mon portrait se trouve-t-il dans cette maison ?»« Votre portrait ?» s'écria Adolphe. « En êtes-vous bien sûr ?»« Qui donc peut en être plus sûr que moi ?» fit encore Théophraste sans s'émouvoir. « Eh bien, ce portrait, se décida à avouer M. Le Camus avec une émotion que nous n'essaierons pas de décrire, ce portrait, qui est votre portrait, est le portrait de Cartouche. » Quand M. Le Camus se retourna pour juger de l'effet qu'il avait produit sur son ami, il vit Théophraste étendu sur le parquet, évanoui. Longtemps, il lui tapa dans les mains, après avoir soufflé la bougie et ouvert la fenêtre. Quand Théophraste revint à lui, les premiers mots qu'il prononça furent ceux-ci. « Adolphe, surtout, ne le dites pas à ma femme. »